L'entrevue de Piquigny. Après être allé partout et avoir bien reconnu le cours de la rivière, nous arrêtâmes qu'un endroit le plus beau et le plus sûr était Piquigny, à 3 lieues d'Amiens, solide château qui appartient au vidame d'Amiens et qui avait été incendié d'ailleurs par le duc de Bourgogne. La ville est basse et traversée par la rivière de Somme, qui n'est pas guéable et en ce lieu n'est pas large. Une fois l'endroit choisi, on décida d'y faire un pont fort solide et assez large, et nous fournîmes charpentiers et matériaux. Au milieu de ce pont fut aménagé un fort treillis de bois, comme on en fait pour les cages des lions, et les trous entre les barreaux étaient juste assez grands pour y passer le bras aisément. La partie supérieure était couverte de planches simplement pour garantir de la pluie, et cet auvent pouvait abriter 10 ou 12 personnes de chaque côté. Le treillis s'étendait jusqu'au bord du pont afin qu'on ne pût passer d'un côté à l'autre. Sur la rivière, il y avait seulement une petite barque avec 2 hommes pour passer ceux qui désiraient changer de rive.